et le fister. Ça te plaît de parler de sexe, mais tu utilises que des Kleenex pour te branler devant ton PC sur un film de cul troué où les filles se font dominer par un troupeau de furets. Sexe, drex, rock, MA respect. Sexe, drex, rock, MA respect. Parfois t'as envie de te droguer, mais c'est juste pour te faire mousser. Tu parles de coke, de crack, d'héroïne, mais tu te les fonds dans la pine. T'as des décharges d'adrénaline, tu bois de la vodka dans la dine. Ça te donne des maux dans les chines, en plus ta mère s'appelle Sandrine. Sexe, drogue, rock, and orgasmic. Sexe, drogue, rock, and orgasmic. Sex, drugs, rock.